Chapitre 8e. Il va sans dire que ni Camille ni l'oncle Giraud ne savaient seulement le nom de l'abbé de l'Épée. Encore moins se doutaient-ils de la découverte d'une science nouvelle qui faisait parler les muets. Le chevalier aurait pu connaître cette découverte. Sa femme l'eût certainement connue, si elle l'eût vécu. Mais Chardonneux était loin de Paris. Le chevalier ne recevait pas la Gazette, ou s'il la recevait, ne la lisait pas. Ainsi, quelques lieues de distance, un peu de paresse ou la mort peuvent produire le même résultat. Revenu au logis, Camille n'avait plus qu'une idée. Ce que ses gestes et ses regards pouvaient dire, elle l'employa pour expliquer à son oncle qu'il lui fallait avant tout une ardoise et un crayon. Le bonhomme Giraud ne fut point embarrassé par cette demande, bien qu'elle lui fût adressée un peu tard, car il était temps de souper. Il courut à sa chambre, et persuadé qu'il avait compris, il rapporta en triomphe à sa nièce une petite planche et un morceau de craie, relique précieuse de son ancien amour pour la bâtisse et la charpente. Camille n'eut pas l'air de se plaindre de voir son désir rempli de cette façon. Elle prit la planchette sur ses genoux et fit asseoir son oncle à côté d'elle. Puis elle lui fit prendre la craie et lui saisit la main comme pour le guider, en même temps que ses regards inquiets s'apprêtaient à suivre ses moindres mouvements. L'oncle Giraud comprenait bien qu'elle lui demandait d'écrire quelque chose, mais quoi? Il l'ignorait. Est-ce le nom de ta mère? Est-ce le mien? Est-ce le tien? Et pour se faire comprendre, il frappa du bout du doigt le plus doucement qu'il put sur le cœur de la jeune fille. Elle inclina aussitôt la tête. Le bonhomme crut qu'il avait deviné. Il écrivit donc en grosses lettres le nom de Camille. Après quoi, satisfait de lui-même et de la manière dont il avait passé sa soirée, le souper étant prêt, il se mit à table sans attendre sa nièce, qui n'était pas de force à lui tenir tête. Camille ne se retira jamais que son oncle n'eût achevé sa bouteille. Elle le regarda prendre son repas, lui souhaita le bonsoir, puis rentra chez elle, tenant sa petite planche entre ses bras. Aussitôt son verrou tiré, elle se mit à son tour à écrire. Débarrassée de sa coiffure et de ses paniers, elle commença à copier avec un soin et une peine infinie le mot que son oncle venait de tracer et à barbouiller de blanc une grande table qui était au milieu de la chambre. Après plus d'un essai, plus d'une rature, elle parvint assez bien à reproduire les lettres qu'elle avait devant les yeux. Lorsque ce fut fait, et que pour s'assurer de l'exactitude de sa copie, elle eut compté une à une les lettres qui lui avaient servi de modèle, elle se promena autour de la table, le cœur palpitant d'aise, comme si elle eût remporté une victoire. Ce mot de Camille qu'elle venait d'écrire lui paraissait admirable à voir et devait certainement, à son sens, exprimer les plus belles choses du monde. Dans ce mot seul, il lui semblait voir une multitude de pensées, toutes plus douces, plus mystérieuses, plus charmantes les unes que les autres. Elle était loin de croire que ce n'était que son nom. On était au mois de juillet. L'air était pur et la nuit superbe. Camille avait ouvert sa fenêtre. Elle s'y arrêtait de temps en temps, et là, rêvant, les cheveux dénoués, les bras croisés, les yeux brillants, belle de cette pâleur que la clarté des nuits donne aux femmes, elle regardait l'une des plus tristes perspectives qu'on puisse avoir devant les yeux, l'étroite cour d'une longue maison où se trouvait logée une entreprise de diligence. Dans cette cour, froide, humide et malsaine, jamais un rayon de soleil n'avait pénétré. La hauteur des étages, entassés l'un sur l'autre, défendait contre la lumière cette espèce de cave. Quatre ou cinq grosses voitures, serrées sous un hangar, présentaient leurs timons à qui voulait entrer. Deux ou trois autres, laissés dans la cour, faute de place, semblaient attendre les chevaux, dont le piétinement dans l'écurie demandait l'avoine du soir au matin. Au-dessus d'une porte, strictement fermée dès minuit pour les locataires, mais toujours prête à s'ouvrir avec bruit à toute heure au claquement du fouet d'un cocher, s'élevaient d'énormes murailles, garnies d'une cinquantaine de croisées, où jamais, passé 10 heures, une chandelle ne brillait, à moins de circonstances extraordinaires. Camille allait quitter sa fenêtre quand, tout à coup, dans l'ombre que projetait une lourde diligence, il lui sembla voir passer une forme humaine, revêtue d'un habit brillant, se promenant à pas lents. Le frisson de la peur saisit d'abord Camille sans qu'elle sût pourquoi, car son oncle était là, et la surveillance du bonhomme se révélait par son bruyant sommeil. Quelle apparence d'ailleurs qu'un voleur ou un assassin vint se promener dans cette cour en pareil costume. L'homme y était pourtant et Camille le voyait. Il marchait derrière la voiture, regardant la fenêtre où elle se tenait. Après quelques instants, Camille sentit revenir son courage. Elle prit sa lumière et, avançant le bras hors de la croisée, éclaira subitement la cour. En même temps, elle jeta un regard à demi effrayé, à demi menaçant. L'ombre de la voiture s'étant effacée, le marquis de Mowbray, car c'était lui, vit qu'il était complètement découvert et, pour toute réponse, posa un genou en terre, joignant ses mains en regardant Camille dans l'attitude du plus profond respect. Ils restèrent quelque temps ainsi. Camille à la fenêtre, tenant sa lumière, le marquis à genoux devant elle. Si Roméo et Juliette, qui ne s'étaient vus qu'un soir dans un bal masqué, ont échangé dès la première fois tant de serments, fidèlement tenus, que l'on songe à ce que purent être les premiers gestes et les premiers regards de deux amants qui ne pouvaient se dire que par la pensée ces mêmes choses, éternelles devant Dieu, et que le génie de Shakespeare a immortalisé sur la terre. Il est certain qu'il est ridicule de monter sur deux ou trois marchepieds pour grimper sur l'impériale d'une voiture, en s'arrêtant à chaque effort qu'on est obligé de faire pour savoir si l'on doit continuer. Il est vrai qu'un homme en bas de soie et en veste brodée risque d'avoir mauvaise grâce lorsqu'il s'agit de sauter de cette impériale sur le rebord d'une croisée. Tout cela est incontestable, à moins qu'on aime. Lorsque le marquis de Mowbray fut dans la chambre de Camille, il commença par lui faire un salut aussi cérémonieux que s'il l'eût rencontré aux Tuileries. S'il avait su parler, peut-être lui eût-il raconté comme quoi il avait échappé à la vigilance de son gouverneur pour venir, au moyen de quelque argent donné à un laquais, passer la nuit sous sa fenêtre, comme quoi il l'avait suivi lorsqu'elle avait quitté l'opéra, comment, regardait elle, avait changé sa vie entière, comment enfin il n'aimait qu'elle au monde et n'ambitionnait d'autre bonheur que de lui offrir sa main et sa fortune. Tout cela était écrit sur ses lèvres, mais la révérence de Camille, en lui rendant son salut, lui fit comprendre combien un tel récit eût été inutile, et qu'il lui importait peu de savoir comment il avait fait pour venir chez elle, dès l'instant qu'il y était venu. Monsieur de Mowbray, malgré l'espèce d'audace dont il avait fait preuve pour parvenir jusqu'à celle qu'il aimait, était, nous l'avons dit, simple et réservé. Après avoir salué Camille, il cherchait vainement de quelle façon lui demander si elle voulait de lui pour époux. Elle ne comprenait rien à ce qu'il tâchait de lui expliquer. Il vit sur la table la planchette où est écrit le nom de Camille. Il prit le morceau de craie et à côté de ce nom, il écrivit le sien, Pierre. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» cria une grosse voix de basse-taille. « Qu'est-ce que c'est que des rendez-vous pareils ? Par où vous êtes-vous introduit ici, monsieur ? Que venez-vous faire dans cette maison ?» C'était l'oncle Giraud qui parlait ainsi, entrant en robe de chambre d'un air furieux. « Voilà une belle chose » continua-t-il. « Dieu sait que je dormais, et que du moins, si vous avez fait du bruit, ce n'est pas avec votre langue. Qu'est-ce que c'est que des êtres pareils, qui ne trouvent rien de plus simple que de tout escalader ? Quelle est votre intention ? Abîmer une voiture, briser tout, faire du dégât, et après cela, quoi ? Déshonorer une famille, jeter l'opprobre et l'infamie sur d'honnêtes gens ? Celui-là non plus, ne m'entend pas encore. » s'écria l'oncle Giraud, désolé. Mais le marquis prit un crayon, un morceau de papier, et écrivit cette espèce de lettre. « J'aime mademoiselle Camille, je veux l'épouser, j'ai 20 000 livres de rente, voulez-vous me la donner ?»« Il n'y a que les gens qui ne parlent pas, » dit l'oncle Giraud, pour mener les affaires aussi vite. « Mais dites donc, » s'écria-t-il après quelques moments de réflexion, « je ne suis pas son père, je ne suis que l'oncle, il faut demander la permission au papa. »